Les débats. Pas de radio. Et pas d'insultes. De Gérard. Alors, on va accueillir Potchambe, 21 ans de Montluçon. On écoute Fun Radio sur 92.1. Bonsoir. Bonsoir. Javal, 24 ans de Brest, 103.2. Ouais, salut. Girose, 20 ans. Cirose. Cirose, du foie. Oui. 20 ans de Paris. 20 ans de Paris, 101.9. Bonsoir. Bonsoir. Je sens pas bon, je sais pas ce que c'est encore ça. Ouais, non, ouais, oh. C'est quand le matin tu t'habilles et que tu sors directement. À 2h du matin, il est pas encore couché lui là. Il a quel âge? 12 ans. Eh hey, non, non, oh. Salut, salut. Non, non, bonne nuit, ça va pas, non, putain. Ouais, mais j'ai le droit quand même, j'ai pas peur, c'est les vacances, j'ai ah ouais, attends, ouais, oh. C'est les vacances, on peut. On écoute Fun Radio Gap 90.7. On écoute, ouais, pas de problème. S'il te plaît, demain. S'il te plaît, 22 ans de Dieppe, on écoute Fun Radio 100 points. Salut, là. Salut, répondez bien quand je parle, hein, surtout. Dites pas bonsoir quand on vous parle, hein, surtout. Bonsoir, et oui, bonsoir de ouais. 17 ans, on écoute Fun Radio. Hein. Bah, j'habite en Belgique. À Boubon? À Bourbon. À Bourbon. À Bourlon. À Bourlon, pas Bourbon, à Bourdic. Oh là là, fil d'art. Oh là là. Et on écoute Fun Radio Belgique 100.9, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, alors, le débat, c'est sur la maladie. Les petites maladies. Donc, je pense qu'on en avait déjà discuté la semaine dernière qu'on allait faire ce débat-là. Alors, on va poser la question. La grippe s'attrape-t-elle sur le menton? On va demander ça. Tiens, bah, ah oui. De Bourlon. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oh non, ouais, ça va pas commencer, hein. J'ai pas entendu la fin de ta putain de question. Ma putain de question, attends, merde, si t'es pas contente, ma petite. Tu vas aller au standard, je vous allez pas me prendre la tête là-dessus. Alors, la grippe s'attrape-t-elle sur le menton? Bah, moi, je trouve que la grippe s'attrape partout. Ouais. J'en ai attrapé sur la plante de pied, ça me fait franchement mal. D'accord. Ok. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, t'es poli, c'est bon. Ouais. Donc toi? Dans le métro. D'accord. Je pense que vous êtes vachement bien réveillé pour le deuxième débat, ça fait peur. Merci pour le Larsen. Dans le TGV aussi. Alors, je sens pas bon. J'ai pas de grande maladie. Mais bon, je suis jeune, mais je suis déjà dépressif quand même. Mais la grippe, je sais pas. Hein. La grippe s'attrape-t-elle sur le menton? C'est la question, c'est pas une autre question que je te pose. Mais moi, les maladies, on m'a pas encore plus expliqué en cours. Moi, j'ai rien eu en menton. Hein. Non, mais attends. Ah, j'ai une fossette. Attends, à 12 ans, t'as pas eu de maladie, tu me prends pour un con, là? Ouais, je suis la coqueluche, mais c'est tout, quoi. Ouais, la coqueluche, t'as pas un petit problème de voix, là? Si, si, un petit peu, ouais. Bah ouais. Il n'a pas encore muté, c'est pour ça. Ah ouais, à 12 ans, dis donc, ça fait bien. Cirrhose, du foie. Bah écoute, je pense que la grippe peut s'attraper aussi sur le menton, parce que tu peux avoir aussi des boutons sur le menton. Ouais, mais de toute manière, la grippe, elle peut s'attraper sur les... La grippe peut s'attraper partout. Hein. Sur les parties les plus sensibles du corps, c'est-à-dire celle du milieu. À 12 ans, La chatte. Ouais, bah, doucement, là. Gamin, là, tu vas te calmer parce que tout à l'heure, tu vas aller voir Fielder au standard, hein. Excuse-moi, papa. Ouais, tu vois. Javal. Ouais, bah, si tu veux pas choper la grippe sur le menton, hein, tu mets une écharpe, simplement. Ouais. Bah, ouais. D'accord. Voyons, on dirait que ça vous fait peur de quand je fais le débat sur la maladie parce que vous êtes à moitié endormi là-dessus. On a peur de la femme. Bon, on a peur. Hein. Il se recule un peu de la radio hein, pour essayer de choper un truc. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Je sens pas bon là. Je sens pas bon, qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, il a envie d'avoir une femme, parce que je suis... Ouais, t'es puceau, mais attends, c'est... Ça va venir. Ça va encore. Rigo. Oui. Ouais, je suis malade. Salut. Faut demander à Gérard si on peut soigner l'acné juvénile et si on a des chances un jour de trouver un vaccin pour éradiquer cette maladie. Non, mais ça, le problème sur l'acné, on va en parler aussi. Et est-ce qu'il y a plus de chances, ça c'est Orki qui te demande, est-ce qu'il y a plus de chances d'attraper des maladies dans les chiottes de la loco? Ah non. Non, c'est pas excuse-moi, j'avais pas lu. Gérard, il y traîne, ouais. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est le petit, mais s'il est pas au courant. Non, ça c'est une bonne nana. Ouais. Donc, pot de chambre. Ouais, bah moi je pense que, en fait, ça s'attrape par les cheveux. Hein? Par les cheveux, peut-être. Par les cheveux? Les kiffs. Ouais. Ouais, bah, je vois pas du tout le rapport. Les poils, les poils. Si tu mets pas de bonnet hiver, ça va pas après. Moi, j'adore. Je voulais dire que j'avais aussi attrapé un truc, hein. Je suis allé au Toubib. C'est la Gérardite aiguë et je peux forniquer qu'avec des boudins. Ouais, je sens pas bon. Je sens pas bon. Tu vois ce que tu vas faire? Tu vas aller faire dodo. Au revoir. Sois tolérant. Allez, hop. Bonne nuit pour lui. Gérard? Oui. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois qu'on peut attraper les maladies par téléphone? Non, pas spécialement. Pourquoi? Je sais jamais. Bon, ok. Gérard, oui. Sur Minitel, il y a, comment il s'appelle? Non, je vais pas donner le nom. Il nous dit que t'as une tête d'hémorroïde. Non, bah lui, c'est quoi un hémorroïde? Je sais pas. C'est pour ça que je demande à Gérard. Les hémorroïdes, ça s'attrape aux couilles. Non, c'est dans le derrière. Ça y est. À force de mettre un peu tontille. Non, mais c'est que souvent Gérard, il a des couilles très proches du derrière, c'est peut-être. Alors là, j'en connais qui parle de coton-tige. Si tu continues, je passe vers ce midi à 14h, j'en saquais un au hasard. Ouais, c'est vrai. Alors, oui, tu dégages. Allez. Mais j'ai rien dit. Non, c'est personne. Je sens pas bon, je viens de le virer. C'est bon. Non, mais lui, tu le vires. Non, ça y est. Attends, Gérard, je dis rien, tu veux me virer. Non, ça y est, on a trouvé qui c'était, c'est bon. Rigo, il y avait une question, non? Oui, il y en a plein. Il y a Viandox qui te demande si on a des séquelles après une maladie mortelle. Non, mais je vois pas, parce que si tu es mort, tu peux pas avoir de séquelles. Bravo, c'est la première fois. Hein. Ouais. Donc la diarrhée s'attrape-t-elle en... Par contre, moi, je peux vous dire une chose, que la grippe, je l'ai jamais attrapée sous le menton, en principe. Hein. Tu l'as attrapée où? Je l'ai attrapée dans la gorge, c'est tout. Hein. Ah. À force de gueuler, souvent, t'as plus de voix. Non, mais gorge profonde ou pas? Ça dépend des maladies. Ça, je pense que t'es plutôt gorge profonde. Ouais, gorge profonde à fond, quoi. Bon, alors, la diarrhée... Et bien pleine aussi, quand même. Tu sais qui parle, là, comme ça? Ah, c'est pas drôle. C'est oui. Oui. Oui, allô? Tu disais? Ah non, attends, c'est pas moi, j'ai rien dit. S'il te plaît, tu disais? Moi, je disais rien. Non, c'est bizarre. Y a une question là, sur un sondage, encore, je me demande si c'est pas encore des petites conneries, ça. Non, celui-là, il est officiel, hein. C'est moi qui l'ai récupéré. Hop. Excuse-moi, Gérard, à la place de ça, je sens pas bon, on a Viagra, 27 ans de Boulogne. Alors, Viagra, bonsoir. Bonsoir. Il est au travail. Ouais. Salut vieux grand. Donc moi je voudrais témoigner de mon expérience. Non mais tu retires tes lois de tes d'arrêt, donc non, je te demanderai mieux. Je suis enrhumé, c'est sur les maladies, donc ça tombe très bien. Mm-hmm. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que bon, la pilule Viagra vient d'être introduite en France. Non mais attends, pour l'instant tu vois, je suis pas encore arrivé à cette question là, alors tu commences pas à jouer les gros caïds. Hein. Ok, pas de problème. Ok, alors maintenant je vais faire le petit sondage là qu'on m'a donné. Ouais. Donc alors, pour ou contre les maladies, ça, de toute manière, j'en ai marre qu'on mette des pour ou contre lors des... sur les... Non mais c'est important de demander ça aux auditeurs. Ouais, alors il y a 10% qui ont répondu que la question était trop compliquée. Ben c'est pas mal. Ça c'est 60% des gens ont répondu, mais on ne s'en souvient plus. Et 30% des gens qui sont contre les maladies de l'éléphant qui pue. Alors ça, Fildar, tu vois, ton sondage comme ça, tu peux te carrer dans le cul et te torcher avec. C'est pas moi, on a fait un sondage sur les auditeurs. Ouais, comme là, tu vois, ça c'est la dernière question. Avez-vous déjà vu des maladies? Et si oui, pourquoi, tu vois? Là, je vais même pas y répondre, ça va aller vite fait. Voilà. Allez. Alors, l'autre question. La diarrhée s'attrape-t-elle en été ou en hiver? En hiver ou en été? On va demander à Viagra. C'est plus en été, parce qu'il fait chaud, donc on transpire. Ouais. Donc, parce qu'en fait, en hiver, le caca a tendance à se solidifier. Ouais. Donc ça fait qu'on chie des pavés de merde. D'accord. Oui, pour toi? Moi, c'est ni en hiver ni en été, c'est en automne. D'accord, c'est bien. Bah, pourquoi? C'est la saison des feuilles. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal. Et tout, tu vois quoi? Oh non, mais c'est pas mal. Ouais, c'est bien. S'il te plaît? Ouais, moi, j'ai la diarrhée quand j'ai la chiasse. La chiasse, c'est quoi? Gérard, est-ce que tu pourrais, s'il y a une différence, expliquer C'est pareil, c'est de l'eau. Hein. Quand t'as la chiasse, tu fais de l'eau, et quand t'as la diarrhée, tu fais de l'eau. Quand t'as la diarrhée, tu chies de l'eau. Donc c'est pareil. Tu peux la récupérer pour la boire, alors? Non, je pense pas, parce que c'est dégueulasse. Quoi, c'est sans bulle? Et recycle tout, l'écologiste. C'est plus le thème sur la politique, Gérard. Hein. Ok. Cirrhose du foie. Alors, tu peux avoir la diarrhée à tout moment et à toute saison. J'en ai rien à foutre. Ben alors, bah, on parle gentiment. Donc, à toutes les saisons, tu peux avoir la diarrhée à n'importe quel moment. Voilà, ça, c'est une bonne question, ce que je voulais dire, mais c'est bien. On me retire les paroles, on me retire les vers du nez. J'avale. Les vers du cul, c'est la diarrhée. Ta gueule, toi. Voilà. J'avale. Ouais, ben écoute. plutôt en hiver, parce que moi, la dernière fois que j'ai eu la diarrhée, j'avais chopé une hépatite G et en plein hiver, et j'avais une chiasse, mais l'enfer. D'accord, sa moustache. Non, mais c'est bien, parce que j'ai pas mon micro quand... Là, c'est pareil. Alors, pot de chambre. Ouais, mais moi, je pense que c'est en automne, puisque je l'ai eu il y a deux jours. Non, ouais. Non, tu l'as eu il y a deux jours. Ouais. Ah bah d'accord, donc... tu pourrais préciser ? Prouve-le, j'ai eu la chiasse et tout, qu'est-ce que je prouve-le, pète à co. Oh, ça y est, vous vous calmez là derrière, s'il vous plaît, merci. Moi, je peux vous dire que c'est rare quand j'ai la diarrhée et ça m'arrive pratiquement jamais. Vraiment, ouais, toi, c'est toi la diarrhée. Ouais. Heureusement, parce que ça sera un sacré bordage, chez toi. Alors, Pédard, tu en dis encore un mot de travers, je veux laver sur toute ma main dans ta gueule. Que de la gueule. Ok. Alors, troisième question, doit-on trouver un vaccin contre le Viagra ? On va demander ça à pas de chambre. Ouais, je pense, ouais. Mario ? Oh là là là là là là. Arrête, Mario, je t'en connais une, toi ! Gérard, ton débat, assis-toi, fais ton débat. Alors, pas de chambre ? Ouais, j'ai dit ouais. Tu peux préciser ? Bah, je dis oui, que je suis d'accord, quoi. Mais putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, tu te casses là, regarde les connards là qui font le bordel. Tu gères rien, Fildar, c'est une honte. Putain, mais t'es... Ouais, ça y est, la droite elle est partie. Ouais, un coup de tête direct, clac. Putain, Fildar, tu as bossé un peu là, ça. Ça devient rengaine avec toi, hein. Bon, Gérard, en attendant, on a une question sur l'IRC que je trouve intéressante, de Blue Falcon. Comment attrape-t-on le Viagra ? Alors ça, le Viagra, c'est... Moi, je pensais qu'on l'attrapait au lasso, mais... Moi, je peux témoigner, c'est Viagra. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est... j'ai un peu déconné, quoi, parce que le Viagra est venu en France, c'est que j'ai pris 10 pilules d'un coup. Mmh. Donc maintenant, à chaque instant, je bande. Non, mais ça, de toute manière, normalement... La pilule contre le Viagra, le truc du Viagra, normalement, c'est prescrit par les médecins. Ouais, mais c'est bien précisé combien qu'il faut en prendre. C'est pas un médecin agréé, donc il va prescrire. Attends, ça que tu dis n'importe quoi, tu commences à me casser les couilles, toi. Non, mais c'est vrai, on m'a fait un vaccin, une picouse dans la bite, et maintenant, c'est encore pire parce que c'était de l'adrénaline. Bon, ça y est, toi, t'auras fait le tour de la question. Donc, c'est quoi le Viagra? Le Viagra, c'est une pilule pour ceux qui sont impuissants. Bah, c'est quoi impuissant? C'est une impuissant? Les impuissants. C'est quelqu'un comme Gérard. Ouais, bah, attends, moi je t'emmerde, toi, connard. Gérard? Oui. Est-ce que tu prends du Viagra, toi? Non. Et toi? Non, il a déjà du gras à la maison. Si tu veux saccager le boulot, tu le saccages, mais tu dégages. Ah, ça va chier pour toi, Fildar. Oh là là là. Alors, on va demander à... Oui. Salut, ça va? Ouais, et toi? Tranquille. Ouais. Allô? Oui. Allô? Gérard, hein. Arrête! Oh la vache, Fildar, il est par terre, il vient de se prendre un coup de feuille, tout ça mate. Ah, ce soir, il y a de la fête. Tu vas faire les gladiateurs. Bon, on va reprendre le thème. Allez. Est-ce que ça l'éteint ton micro? Arrête, c'est bon. Gérard, si tu vas, vas-y, laisse-le. Gère ton débat. Putain, Fildar avec des bouts de cadeaux, vous pourriez plus rien gagner dans la journée. Gérard, arrête. Arrête, Philippe. Tout à l'heure, je vais l'éclater pour Dodon, moi, je vais laisser le débat terminé. Je vais laisser Rousseau maintenant. Je crois qu'on avait prévenu. Toi, ça avait prévenu avant, hein. Ouais. Donc, faire un boulot comme il faut. Alors, tu as cherché le connard. Connard. Mais vite fait. Salut, ça va? Alors, ouais, troisième question, on va demander à Pot de Chambre. Arrête, fais le boulot, putain. On va demander à pote chambre, donc, toi, doit-on trouver un vaccin pour, contre le Viagra? Mais je t'ai dit oui tout à l'heure, tu m'as posé la question en premier. Ouais, d'accord. J'avale. Ouais, bah déjà, moi, je vais te dire que le Viagra, ça m'intéresse, parce que je suis atteint de mini-obésisme. Et je voudrais savoir, parce qu'apparemment, Viagra, là, il est dans le business. Ouais, yes. Et je voulais savoir s'il pouvait, justement, me businesser, me dealer 2-3 Viagra, là, parce que je suis en galère. Bah, écoute, y a pas de problème. Bon, moi, j'ai acheté de cartouches de vin. Non, mais... j'avais le Viagra, là, vous verrez ça pendant la pause publicitaire. Moi, j'aimerais bien me faire mettre une cartouche en parlant de ça. Gérard, tu débarres. Comment ça me faire chier là, hein? Salut, ça va? Bon, on voit un disque, on va. On peut pas. Non, c'est moi, t'envoies. Gérard, on va reprendre dans le calme. Sur l'IRC, il y a au moins 200 personnes qui sont parties suite au débordement de Fildar. Voilà. Merci Fildar. Et on est plus que deux sur Minitel aussi. Un gros qui va. Combien sur. Plus que deux? Eh ben c'est bien. Donc tu gères un peu Phil. C'est Rose. Oui. Donc toi pour toi. Bah je pense qu'on peut pas trouver de vaccin contre le Viagra, parce que le Viagra c'est un médicament. Le Viagra c'est un médicament, tu le prends pour si t'es impuissant. Donc je vois pas quel est le rapport avec la question d'avoir un vaccin. D'accord. Et contre l'obésité, il y a un truc ou pas? Contre la connerie. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des claques. Ça va leur faire tout drôle. Et là, t'arrêtes aussi, Manu. J'ai rien fait. T'arrêtes avec l'appareil parce que ça me gonfle cette fois. J'ai rien fait. C'est toi, je viens de te voir appuyer sur les touches. C'est pas possible. Bah, Manu, il est j'ai fait ça, regarde, j'ai appuyé là. Ça fait quoi? Ouais. Un son? Y a pas de son. Donc, s'il te plaît. De rien. Oui? Ne marre pas, toi, parce que tout à l'heure, ça va te faire tout drôle, toi. S'il te plaît. Merci. S'il te plaît, tu réponds? Oui, je réponds. Moi je dis que le Viagra c'est bien, il faut pas en abuser. D'accord. Et oui. Bah écoute, Fildar vient juste me remettre à l'antenne à l'instant, donc j'ai pas entendu la question. Bon alors Fildar, c'est pas vrai, je te jure, j'ai pas touché aux touches. Fildar, tu vas dégager pour de bon toi. Mais non mais oui, réponds. Non non mais la personne qui est plus dans l'équipe. Tu vires. Il veut rester chez toi. Non mais Fildar, arrête de nous couper. Oui, donc toi. Al, on peut pas. Si vous pouvez me répéter la question, je suis désolée, mais c'est Fildar. Doit-on trouver un vaccin contre le Viagra? Non, je pense pas, non, parce qu'au contraire, je pense que le Viagra ne peut qu'améliorer les cas désespérés, quoi. D'accord. Donc Viagra, t'avais répondu, toi? Non, mais répondez pas! Il est là. Ouais, je suis là. Donc, pour toi? Bah ouais, tout à fait. Non, mais ouais. T'es dans le business? D'accord. Ok, alors, quatrième question. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter avant 3h à cause de Fildar. Hein. Si. Attends, c'est vachement intéressant, tu vas pas arrêter à cause de moi. Non, à cause de la merde que t'as foutue, tu vois. Ouais. Maintenant, sur RC, on était 1400, maintenant, il n'y a plus personne. Bravo, Fildar, de tes conneries. On est quand même plus de 1000, ce qui est déjà très bien, Gérard. Non, ouais, mais tout à l'heure, on était à 1400, s'il avait pas que déconné, on aurait été à plus de 1600. Là, Gérard, sur le 3615 Fun Radio, ça remonte, vu qu'on est quand même à 47. Ouais, bah d'accord. Et Gérard, pour reparler de l'IRC, je lis vite fait. Alors, il y a Turpentine qui te demande, GG, est-ce que tu es dérangé par tes bourrelets de Viagra? Non, mais ça, c'est, je vois pas du tout le rapport avec le vaccin contre le Viagra. Enfin. Donc, avoir la gangrène est-elle une maladie? C'est quoi la gangrène? Alors, j'explique tout de suite le truc. Yes. C'est un ongle qui est incarné. Gérard, excuse-moi, je croyais que la réincarnation, c'était dans le bouddhisme. Non. La gangrène, c'est une maladie qui peut être très grave. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas soignés assez, qui ne sont pas soignés à temps contre ça, ils risquent de perdre un membre de leur famille. Non, un membre sur eux. C'est-à-dire un membre sur eux. Si tu as un ongle incarné, tu ne te fais pas soigner, ça va continuer de s'infecter et tout. Donc, à un moment donné, ça va venir sur la main, ça va monter dans le bras et ils seront obligés de te couper le bras. Et là, j'ai une personne moi, que j'ai connue, qui avait eu la gangrène. Elle a pas voulu se faire soigner. Oh, s'il vous plaît, vous me laissez parler, merci. Elle a pas voulu se faire soigner à temps et elle a perdu carrément une jambe. Quand même, mais bon, ça c'est une maladie grave, ouais, on va pas en parler, on a dit. Je suis désolé, la question elle est faite comme ça, je la pose et c'est tout. Gérard, oui. Sur RC, il y a Davy One, oui, qui me dit, alors, est-ce qu'il y a un bébé qui naît quand le monsieur met la petite gangrène dans la madame? Mais en principe, oui. Hein. Et il me demande aussi combien ça fait en euros. Ah ça, c'est bon. Voilà, donc, on va demander à oui. C'est pas une maladie en fait. Non, c'est quoi alors? Bah, c'est toi qui la provoques. Une grippe, ça s'attrape, tu. Olivier, s'il te plaît! Bah, je peux parler, Gérard? Oui? Ouais. Donc, je dis, une grippe, ça s'attrape dans la rue, tu vois, tu la sens pas venir, tandis que la gangrène, c'est quand tu te soignes pas que tu l'attrapes. Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai précisé. Bah, bien avant le disque. Et bah, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas une maladie. C'est bah, si, ça peut être une maladie quand même. C'est pas une maladie quand même, ça s'attrape pas. D'accord. Non mais j'ai pas dit que ça s'attrapait. Nuance, j'ai demandé est-ce que avoir la gangrène est-elle une maladie? J'ai pas dit si ça s'attrapait. Et ben moi je te dis non parce que une maladie ça s'attrape et la gangrène ça s'attrape pas. D'accord. Ok. Alors s'il te plaît. Oui. Lourd, hein. Oui. Oui ben je t'écoute. Oui. C'est une maladie oui. Ah ben c'est tout ce que tu me réponds. Bah oui c'est une maladie. Bah oui. Bon alors Olivier. Retourne dessus. Non, je voulais là. Juste te dire parce que en fait, à la place de Viagra, on accueille Syphilis. Voilà. Bonjour. Comment je suis Jean-Louis Connard. Salut Connard. Salut Jean-Louis. Je suis pas rien. Connard. Donc on va préciser Jean-Louis parce que. Ouais, non, t'as compris. Non, c'est Jean-Louis Syphilis, mais c'est Syphilis son prénom. Jean-Louis. Bah oui, la gangrène est une maladie. Ok. Ça c'est sûr. Non mais tu peux préciser. Précise. Jean-Louis. Ah tu précises. Ah oui c'est Jean-Louis. Les connards. Connard, voilà. Ouais, bon, tous les deux, là, vous me direz, là, parce qu'ils comprennent rien, là. Rien, c'est Jean-Louis ou Syphilis? Non, c'est Jean-Louis Syphilis, c'est mon prénom et mon nom. Mais tu peux l'appeler Connard. Non, c'est Syphilis, bon, il t'a dit que oui, c'était une maladie, donc c'est voilà. Bon, il t'a répondu. Voilà. Il est où, Michel? Cyrose. Oui, bah moi je suis pas d'accord avec lui qui disait que la gangrène c'est pas une maladie. Mmh. Moi je pense que c'est une maladie parce que si tu peux la gangrène. Bon, celle qui dit n'importe quoi, tu as commencé par te la fermer. Ouais, tu la vires. Mais par contre, si tu attrapes la gangrène, est-ce qu'on peut te couper tous les membres? N'importe quoi. J'ai le droit de répondre aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Sur IRC, on me demande quelle est la personne pas intelligente qui essaye de s'exprimer. Ah, je suis sûr, ça doit être ça. Ça doit être une bouffonne, c'est pas grave. L'invité X. Bon, alors, tu me gères. Attends, je vire la bouffonne. Non, tu la laisses la bouffonne. J'ai viré la. Cyrose, donc c'est... toi. T'as répondu, c'est une maladie la gangrène. Mais tais-toi. Mais j'ai le droit de répondre, hein. Ça va. Non, Gérard, hein. Passe aux autres auditeurs, c'est bon. Attends. Je crois que tu vas me prendre un peu là, sur les nanas, là, parce que ça commence à me prendre la tête, là. J'avale. Ouais, mais on parlait de petites graines. Moi, je suis donneur et quand tu veux. La gangrène, abruti. Bah, quand tu veux, les petites graines dans ta turbine à chocolat. Bon, alors, j'avale, tu dégages, bonne nuit. Allez, hop, celui-là, on l'envoie à se coucher. Il aura tout compris. Il est où, Michel? Pot de chambre. Oui, qui c'est qui veut réagir? Ouais, bah, c'est donc là-dessus. Ouais. Pot de chambre. Ouais, je t'appellerai sous le lit, tout ça, je connais. Alors. Donc, ça le saoule, cette question. Bon, alors, elle saoule. Tu veux continuer le débat ou pas? Ouais, c'est pour ça. Vaut mieux qu'on passe à une autre question, c'est mieux. Question, non, mais attends, ce que je veux. Non, elle est nulle, la question. Bon, Olivier, si t'es pas content, tu retournes de l'autre côté. Non, mais je suis pas content, mais elle est nulle. Moi, je fais ce que je veux, d'accord? Il a raison, Olivier. Moi, je fais ce que je veux. Nul. Bon, alors, pot de chambre, tu dégages, bonne nuit pour toi. Allez, hop. Il n'y a plus personne. Non, non, mais vous me si c'est bon, oui, on va trouver sur les 24 lignes. Vite fait. Sur les 24 lignes, on y va. Alors, les piqûres d'insectes... Les piqûres d'insectes rendent-ils malades? On va demander ça à Jean-Louis. Les piqûres d'insectes? Oui. Bah oui, tout à fait. Moi, j'ai eu... Enfin, il y a un moustique qui m'a piqué. Mmh. Et cet enculé, il avait le sida. D'accord. Donc je l'ai attrapé aussi. D'accord. Jean-Louis, pour l'instant, j'ai pas envie de parler de sida de ça ce soir. Ah ouais, tu parles de la gangrène, mais tu parles pas de sida. Non, mais je parle pas. J'ai pas envie d'en parler. C'est tout parce que c'est un truc qui est trop long à gérer. Ah ok. Excuse-moi. Ok. Je suis désolé. Oui, pour toi. Ouais, moi une fois je me suis fait piquer sur le clito, et depuis ce temps-là ça n'a pas dégonflé, donc ça craint un peu quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, t'as qu'à aller voir un médecin. Tu sais, le médecin, tu sais ce qu'il va dire. En fait, non, je vais t'expliquer, Gérard. Moi j'ai un antidote, c'est ma salive. Une fois, je me suis fait bronzer, donc j'étais à poil, et si tu veux, il y a une abeille qui est rentrée à l'intérieur. Donc j'étais voir le gynéco m'a dit, bah écoute, il n'y a qu'une solution. Vous savez, mademoiselle, il n'y a qu'une solution. Donc en fait, au bout de son gland, il a mis du miel. Et puis il est passé à l'intérieur, tu vois, il me l'a rentré, comme ça il s'est dit, l'abeille va sortir, va s'accrocher sur le miel. Et puis en fait, donc il se retire, et puis l'abeille n'était pas là. Puis en fait, il continue, puis il fait des va-et-vient, tu vois, et puis alors là, vraiment carrément, quoi. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Ouais, mais ça y est, on a compris. Non, attends, s'il te plaît. Ouais, mais maintenant, dépêche-toi, parce qu'il y a d'autres personnes, et puis il y a une question IRC. Donc à la fin, il me dit, bah en fait, vu qu'elle veut pas venir, vu qu'elle veut pas se coller, maintenant, il faut la noyer. Bon, ça y est ? Ouais, c'est okay. Donc sur IRC, il y a Snul qui te demande, est-ce que quand on est malade et qu'un insecte nous pique, l'insecte peut-il tomber malade ? Ça, je pense pas, mais... C'est ce qu'on dit, ouais. Alors toi, je t'emmerde, toi, oui. D'accord ? Bah non. Si. Voilà. Comme on sait que c'est elle qui s'amuse depuis tout à l'heure... Gérard. Et la question alors, tu penses quoi ? Donc, bah attends, tout le monde n'a pas répondu. Donc, non, mais pour l'insecte malade, là, parce que t'as répondu. Non, mais je pense pas qu'il peut être malade en même temps. Ça, j'ai jamais vu un insecte malade comme ça. On accueille Cuvette à la place de. Je sais pas, là. À la place de pot de chambre. Voilà. Salut GG ! On accueille Suppo à la place de Javal. Salut, ça glisse ? Ouais, ok. S'il te plaît. Ouais. Oui ? Donc, toi, là, pour toi, la question, les piqûres d'insectes rendent-ils malade ? Bah, moi, ça m'a rendu pas mal malade. Il y a une fourmi qui m'a piqué entre les deux seins et maintenant j'en ai trois. Non, mais attends. Attends, c'est des fourmis rouges ? Ouais. D'accord. Je suis allée en Amazonie intérieure et je me suis fait piquer par une fourmi rouge. Maintenant, j'ai du mal à trouver des soutifs, quoi. Non, mais tu t'es pas fait vacciner pour aller là-bas ? Pas contre les fourmis rouges, j'ai pas pensé. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Il y a quand même des vaccins. Faut quand même se faire vacciner avant de partir dans certains pays. Oui, mais lesquels, Gérard ? Non, mais il y a plusieurs pays comme. Suresnes. Ouais, c'est ça. Alors fermez vos gueules. Si le prochain que j'entends dire Suresnes, il va dégager. Je vais pas chercher qui c'est maintenant. Non, mais la personne qui a 3 seins, comment elle s'appelle ? Ouais, elle s'appelle, s'il te plaît, merci pour l'arsène. Parce que même avec 3 ou 4 seins, moi je m'en fiche. Bon, ok, bon, c'est bon, alors vous allez vous calmer, s'il vous plaît, merci. On a pas un cas de vite, là. Oh ! Je peux le faire, hein. Vos gueules, là, tu es, tes suppos, là. J'ai rien dit. Ouais, on a rien dit. Bon, bah, vous calmez, merci. Je me calme. Cirrhose. Oui, je pense que les insectes, ils peuvent donner... Là, okay. Non, mais j'ai le droit d'exprimer quand même. Hein. Non, t'as pas le droit. Tu me vires tous les autres et tu gardes le cirrhose et tu me prends d'autres personnes. Je continue pas le débat. C'est bon, j'ai viré cirrhose et j'ai gardé tous les autres. C'est bon. Je vire cirrhose. Bonjour. Oh, c'est l'inverse. Ouais. Ah merde. Gérard. Voilà. Allez. Alors, tu vires tous les autres et je ne continue pas. Je fais une fiche, Gérard. Alors, donc, ouais. En cas, tu connais pas la mouche TC qui donne la maladie du sommeil. C'est qui ? C'est cirrhose. Ouais. Non mais attends, mais moi je te parle. Les piqûres d'insectes rendent-ils malades ? C'est ça la question, c'est pas... Justement, il y a la mouche TC qui donne la maladie du sommeil. Ah d'accord. Parce que t'as déjà testé une mouche, toi, qui rendait malade. Bah oui, j'en... Si on fait une épidémie sur une ville que je dirais... Attention à ce que tu fais, toi. Attends, parce que là, Gérard, il t'écoute plus. Gérard, écoute au moins les auditeurs, quoi. Si, mais j'ai entendu ce qu'elle disait, donc c'est bon. Donc alors maintenant on va attendre un petit peu que Fildard me retrouve des auditeurs potables et qu'ils arrêtent de. Il n'y a plus d'appel, il n'y a plus un seul appel. Moi j'ai plein de questions hier. Oui, connard. Ouais. Celui qui s'amuse à ça va se calmer, Manu, d'accord, sinon tu vas faire un standard. Il y a Turpentine qui te demande si un lépreux peut attraper la gangrène. Un lépreux, de toute manière, c'est un peu ça vient de chez eux, ils sont déjà souvent atteints de la gangrène aussi, hein, là-bas. Chez eux, hein. D'accord. Ouais. Et Dub, excuse-moi, quand tu dis chez eux, c'est le pays ou c'est le... Ouais, dans leur pays. Non, parce qu'il y a la gangrène et la hougraine aussi. Non. On a oublié d'en parler tout à l'heure. C'est pas de taria, tranquille. Non, mais voilà. Fais du bon boulot et tu resteras dans l'équipe, sinon tu retournes au standard avant la fin de l'émission. Oui, alors, chef. Alors, il y a Serval qui me dit la mouche de la cirrhose, elle donne la maladie de Parkinson. Non, je comprends rien. Ouais. Est-ce que quand on perd ses doigts, on peut les rendre ? De quoi ? Est-ce que quand on perd ses doigts ? C'est Liwan qui me dit Est-ce que quand on perd ses doigts, on peut les remplacer par des Twix? Non. Non, parce que quand tu perds tes doigts, tu peux pas les remplacer en principe. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc, on me demande aussi si Rose pique quand elle se rase pas. Mais non, c'est pas les femmes qui piquent, c'est les hommes qui piquent quand ils se rasent pas comme moi. Voilà, donc, Alors, à la place de Cuvette, on accueille Cuvette numéro 2. Ouais, bien on sûr. On accueille Supo 2. Bien sûr, et tu reprends toujours les mêmes. Non, c'est pas vrai. Syphilis 2. Ouais, vous n'êtes pas pris la tête. Hein. Soutif et pâté de fond. Non, mais vous alors, par contre, il y a Cyrose qui s'en va. Je vous préviens, vous n'êtes pas fait chier. Vous avez viré tous les autres et vous les avez repris sous votre nom. Non, mais Cyrose, remplace-la par boulimie. Ouais, quand je t'appellerai pot de sorte, tu sortiras de sous le. Toi, tu fermes ta gueule. Maintenant qu'on a des nouveaux auditeurs, on va reprendre le débat et on se calme. Ouais, on se calme tout de suite. Donc alors, il y a un sondage déjà, je vais le faire. Oh là là là. À la question, être malade peut provoquer des maladies. Alors ça, c'est même pas la peine que je dirais toi, ça. Les oreillons vont-ils malades? On va demander à Cuvette 2. Ouais, alors, les oreillons, non, ça rend pas malade, ça fait juste mal aux oreilles en fait. Ouais, mais ça peut rendre malade. Non. D'accord. Voilà. Suppo. Ouais, bah écoute, j'ai eu les oreillons et ça m'a filé une transpirationite aiguë et je pense que tu connais le problème. Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Oui, c'est vraiment ça, le message. Ça me fait mal. Ok. Cyrose ? Oui, les oreillons peuvent être une maladie. Mais ça, c'est surtout pour les garçons, c'est pas pour les filles. Oui, ça paraît que ça fait gonfler les couilles. Non mais attends, je vous préviens, vous allez arrêter de dire des conneries comme ça, parce que sinon, la sixième question, ça va être la dernière, on va faire conclusion et je rentre chez moi. Non, ça va être clair et net. Hein. Ça serait bien. Alors là, faudrait peut-être vous calmer un peu. Non mais ce qu'il faudra, c'est que tu leur expliques. Vous êtes pas fait chier. Non, perso, ils m'ont dit qu'ils s'emmerdaient grave ce soir. Ouais, ils s'emmerdent grave. C'est nul ton truc là. Ils sont nuls, toi tu dégages. Hop, dégage maintenant. Non, c'est bon. Allez, je gère. Non, tu dégages. Au revoir. Donc, syphilis. Oui. Alors, et toi? Oui, les oreillons, je les ai eus quand j'étais petit. D'accord. Et ça m'a laissé des séquelles. Ouais, bah, je pense pas. Soutif. Oui. Donc, toi? Les oreillons, oui, c'est une maladie. Et il y en a qui ont eu la gangrène des oreilles et elles sont tombées. Non mais attends, les oreillons ça donne pas la gangrène. Hein. Ah si, je te jure. Hein. Ah ouais, ben tu me diras... Je travaille dans le milieu hospitalier, ouais. Je peux te dire que ça arrive. D'accord. Une question, IRC. Oui, il y a Serval qui te demande si on attrape les oreillons en écoutant trop fort son Walkman. Non, pas spécialement. Pâté de quoi? Oui, bah tout d'abord, bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc je viens d'arriver. Oui, bonsoir. Salut. Donc, il paraît, ouais. C'est quoi ta maladie? Une maladie sexuellement transmissible en plus. C'est quoi ta maladie à toi? Non, mais les oreillons, qui c'est qui veut poser la question, là, vite fait? Vous répondez, là? C'est moi, c'est Cécilie. Je voulais lui demander quelle était sa maladie, celle qui vient d'arriver, pâté de foie. Pâté de foie, on te pose la question. Ben moi, j'ai attrapé l'oreillon d'une seule oreille, suite à un rapport sexuel. Un dérapage de coton-tige. Mais t'es toujours baisable. Ouais, je suis toujours baisable. Alors, si Philips, tu vas te calmer. Comment tu l'as appelé? Tu fais quoi, après? Et celui qui vient de dire, en parlant des coton-tiges, toi, ça va être la dernière fois parce que tu vas dégager. Hé, ça va, tous les deux, là. Ça va, je vous emmerde. Gérard, reviens au débat. Sur Minitel, on nous demande si t'as eu la gangrène du cerveau tellement t'es con. Non, c'est plutôt lui qui a eu la gangrène de faire une grosse facture à ses parents. Mais c'est qui? C'est Bibit. Bibit, il a quel âge? Ouais. Il a quel âge? Il a 112 ans. Ouais, c'est ça, j'ai mon cul avec l'orage. Je crois que ça s'attrape dans les toilettes, surtout. Bon, toi, tu fermes ta gueule, tu m'étonnes mes culs. Bon, alors, encore une fois, de cette manière, c'est la dernière question, parce que vous me cassez les couilles à cause des deux du standard. Non. À cause des deux du standard, c'est tout. Ils sont même pas capables de faire un boulot comme il faut, ces deux connards. Et après, c'est qui paye, c'est les auditeurs. Voilà. Ben, c'est pas de ma faute, dans ce cas, vous avez qu'à vous apprendre après Olivier et Fildar. Bon boulot, c'est pas notre faute si t'es une équipe de merde. Ben, pour l'instant, il y en a deux qui font du bon boulot. Ouais. C'est Manu et Fildar, et Rigo. C'est Manu et Rigo qui font du bon boulot. Les deux autres, c'est deux cons. Ouais, non, c'est pas sérieux. Alors, l'éthique. C'est des faillots. L'éthique sont-ils des maladies qui peuvent avoir, qu'on peut avoir en automne? Un coup de savon, ça suffit. Hein. Qui c'est qui répond comme ça? Non, mais donnez pas vos noms, s'il vous plaît. C'est Pedro. Putain, allez, c'est la dernière question, comme de manière. Vous me cassez les couilles là. Là, au standard, vous faites chier. Attendez, attends, Gérard. Vous faites du boulot dégueulasse. Non, excuse-moi, deux secondes. Vous faites du boulot dégueulasse là. Les auditeurs. Vous me cassez. J'aimerais bien que vous, quand même, que vous réfléchissiez un peu aux questions de Gérard et que vous fassiez un débat un peu plus potable. Parce qu'après, c'est nous qui prenons et l'auditeur. C'est la commission est pourrie. Ah, c'est facile ça. Non, alors j'aimerais bien que quand on vous sélectionne, que vous fassiez quand même un minimum d'effort pour comprendre. C'est quand même pas compliqué ces questions. Alors non, mais celui qui a voulu répondre, réponds maintenant. Voilà, on t'écoute. Alors tu donnes ton nom et tu réponds. Ouais, vas-y. Tiens, il se casse plus qu'une semaine pour faire un putain, débat. Putain, mais c'est quoi cet auditeur là qui a voulu répondre et tu veux plus répondre maintenant? Ouais. C'est qui là encore? C'est Philippe. Moi je vais répondre, moi je vais répondre. Alors c'est Philippe, dégage, on va terminer pour toi. Allez, hop. Mais c'est pas moi. Alors, celui qui se marre va dégager aussi. Oh là là. Parce que là, je crois que ça commence à bien faire, hein. Je leur ai dit s'il fallait. Non, mais attends, le premier débat, il est potable, le deuxième, c'est de la merde, à cause de vous deux. Pour l'instant, il y a Crigo qui va se Manu. Attendez, après le débat, on va discuter la semaine prochaine, je veux plus. Oh, j'ai rien fait, Gérard. Non, je veux pas le savoir, vous faites du boulot de merde. Droite, gauche. Alors, pas cette fois pour toi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? L'éthique. L'éthique sont-ils des maladies qu'on peut avoir en automne? Non, c'est des petites bêtes que les chiens attrapent. Voilà, d'accord. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Soutif. C'est ma faute, excuse-moi. Non, tu dégages, Olivier, tu dégages. Gérard, pour revenir au débat, enfin, on va faire un vrai débat. Il y a aussi... C'est de la merde, là. Et toi, t'en t'arrêtes de bosser comme il faut, sinon t'en prends autant. D'accord. Bon, ben voilà, je l'ai raté. Bravo, le fil d'art. L'auditeur qui a voulu poser la question sur s'il te plaît, tu peux revenir, je te remercie. C'était Oxyde, si tu peux répéter. Enfin, viens, voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, la politique des maladies gêne-t-elle les camionneurs qui jouent du synthé? Ça, je vois pas du tout le rapport avec les maladies. C'est pas grave. À la place de si Philippe, tu me prends quelqu'un d'autre? Bah, si Jean-Pierre, alors. Fais gaffe, Pilar, parce que tu vas t'en prendre autant qu'Olivier. Je vais trouver un truc. Cirrhose. Oui, comme elle disait, pas cette fois, l'éthique, ça s'attrape, c'est dans les animaux, quoi, c'est dans leurs poils, quoi. D'accord. Suppos de... Quoi? Ouais, C'est dans les. Un tic, c'est genre quand tu clignes de l'œil. Attendez, pas tête foie. Moi, mon tic, c'est le prout. Oh, ta gueule, toi. Bon, alors, suppos, tu dégages. C'est pas grave, réponds, vas-y, Gérard. Parce que moi, ça m'intéresse, ça. Non, parce que les tics, il y a certaines personnes qui ont des tics qui n'arrêtent pas de bouger les épaules ou de se gratter la moustache. Ouais. Comme moi, c'est un tic de me gratter la moustache. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas du tout dans les bêtes, pas tête foie. Ah ouais, non, mais enfin, moi, tu me parles de tic, moi, tout de suite, je... Non, mais les tics, t'as certaines personnes qui ont des tics sans arrêt. Non, je comprends bien le sens de ta démarche. Ouais, mais bien sûr, ça peut aussi aller dans les animaux, je suis d'accord avec Cyril. Donc, suppos d'autres, t'as répondu. Non, donc... j'ai pas répondu. Bah, alors, réponds. Bah, les tics en automne, ouais, les tacs en hiver, les tucs en été et les tocs au printemps. D'accord, là. Gérard, oui. Gérard, on me demande si les tics sont polis. Politique. Non, je vois pas. Merci. Je vois pas du tout le truc. Excuse-moi, Gérard, c'est drôle, enfin. Ouais, vas-y. C'est galéré. Donc, on a que le. En fait, c'est un prénom composé. C'est Marc Serge Thierry, mais tu peux l'appeler MST. Bonsoir. Bonsoir, MST. Salut. CQN, c'est pas répondu à la question. Vas-y. C'est saucisse non plus. Je pense que c'est des petites bêtes qui mangent les canifs. Mais je viens de te dire que ça servait. Je suis aussi sur les humains, mais je suis sûr que les chiens aussi, quand même. D'accord. Donc, MST? Oui, alors l'éthique, bah oui, comme disait la jeune demoiselle, hein, qui est toujours baisable, hein, j'ai bien repéré son nom. C'est qui? Alors vas-y. Celle qui a 300. Alors moi, je dirais. Ouais, elle est plus là, celle qui a 300, je te signale. Hein. Dommage. Elle est morte, elle avait quoi comme maladie? Non, mais je veux te dire, depuis tout à l'heure, c'est d'autres auditeurs hein, qu'on a. Cirrhose. Non, cirrhose, ça vous emmerde. D'accord. Donc moi, l'éthique, ouais, c'est comme disait la personne, c'est pour les chiens, c'est une maladie des chiens. Non, mais on vient de dire tout. MSC, t'as pas encore... des bulldogs. Oui. Pas cette fois, tu te calmes, s'il te plaît. C'est un espèce de... Mais c'est pas moi, Gérard. Non, mais l'éthique, c'est un espèce de morpion canin qu'il y a sur les tresses. Quoi? Ouais, c'est une espèce de morpion canin qui y a sur les tresses. C'est des N'importe. Ah, mais je te jure. Bon, après manière, il est 50-30, manière, je pense qu'on n'ira pas, pas jusqu'au 10. Si, bonjour, c'est un message qui s'adresse au connard qui habite à côté de chez moi. C'est moi. Gérard. Ça y est, pour celui qui s'amuse à ça. Gérard, je peux répondre. Ouais, sous-type. Moi, j'ai des tics, mais la décence m'interdit de le dire au téléphone, alors je vais le dire. Tu fais des doigts. D'accord. Toi, t'as une voix qui m'excite pas du tout, je te laisse le dire. S'il vous plaît, ça va faire votre tour. On va peut-être revenir dans le débat. C'est la dernière question. Non. Oh non. Ah non, j'en ai plein pour toi. Moi. Encore. Eh, vas-y, Gérard. Alors, si c'est Tounas, tu dégages, MST, d'accord. Allez, la question. Alors, avoir des coups de soleil vous rend-il malade? On va demander à Cubette. Ouais, moi, ça me rend vraiment malade. Mais t'en as déjà eu? Non. Non, mais alors comment parce que je dois pas me mettre au soleil, mais on m'a dit que ça me rendait malade, donc je prends pas le risque, en fait. D'accord. Parce que c'est pas con, ça. Hein. Je suis courageux, mais pas téméraire. D'accord, ok. Suppos. Ouais, non, les coups de soleil, moi, ça me dérange pas, les coups de butoir non plus. Non, mais attends, tu réponds correctement à la question, pas à côté, bah, s'il te plaît. Les coups de soleil, ça me dérange pas, et les coups de butoir non plus. Les coups de butoir. D'accord, mais non, mais je crois que toi tu comprends. Pourquoi ? Non, mais je crois que t'es un peu bouché des oreilles. Ouais, c'est une maladie. Parce que depuis le temps que tu dois écouter Fun et que je fais les débats, tu dois comprendre les questions. Alors si tu comprends pas la question que je viens de poser, ça servait à rien de faire le débat. Mais d'accord ? C'était un sonotone. Ouais. Alors, cirrhose. Non, moi les coups de soleil ne me fait pas attraper de maladie. On a déjà. Non, c'est pas ça, mais c'est que moi je bronze facilement. J'ai une peau. C'est black ? Quoi? Non, elle est pas black. Ah non, je suis pas connue. Non, elle a une jolie peau, elle est belle, tout ça. Elle est pas black, elle est sale. Oh, s'il vous plaît, là, vous la laissez parler, merci. Même si on attrape des coups de soleil, je pense qu'il faut quand même mettre de la crème et se protéger en mettant un chapeau, tout ça. Gérard, ouais, de la crème sur le chapeau. On nous dit sur Minitel que contre les coups de soleil, le meilleur remède, c'est de superposer, plein de couches de fond de teint. Non. Ils nous disent que c'est un super remède. Non, pas du tout. MST? Bah oui, c'est comme l'invité mystère, moi, c'est je mets de la crème. Mais pas sur le chapeau, hein, je suis pas débile. Non mais attends, toi t'es un peu... Non mais je crois que MSC, il est un peu con, lui. Non mais attends, elle a dit qu'elle mettait de la crème sur le chapeau, ça sert à rien. Mais bien sûr que... Mais non, je mets de la crème sur le corps. Oh, encore pire. Non, tu veux me faire vomir ou quoi? Je vous signale qu'il y a des crèmes solaires pour le corps. Hein, encore, vous ne le saurez pas. On appelle ça de la vaseline. Ouais, c'est ça. Et ta connerie, on appelle ça de la merde. Ah, si tu veux. Ok. Alors, sous-tif. Oui. Donc, pour toi? Moi, quand j'ai des coups de soleil, ça me fout la diarrhée. Ah bon, d'accord, carrément, toi. Bah, carrément, j'évite de me faire bronzer le derrière, parce que à chaque fois, ça le fait, alors... Attends, sous-tif, je te coupe 5 minutes. Celui qui s'amuse encore à redire à la personne qui parle de dégager, je vais pas chercher entre MST, Supo et Cuvette, j'en virai un des trois au hasard. Bah, au hasard, ok? Discrimination, pas ouais. Alors, sous-tif. Oui. Donc, si tu me disais. Bah, ça me fout la diarrhée, donc j'évite de partir au soleil en vacances. Je me fais des vacances d'été en Normandie, en Norvège, des choses comme ça. Ouais, mais en Normandie, je pense que y a quand même pas mal de. Je suis allée un jour en soleil. Normandie, il y a eu 15 jours de pluie et les 15 autres jours, il a plu. Ah ouais, attends, je comprends pas. T'as eu 15 jours de pluie et les 15 autres jours de. Eh non, mais attends, ça veut dire que t'es parti un mois et pendant un mois t'as eu de la pluie. Oh, bah t'as tout compris. Ah, d'accord. Mais okay. C'est pas bien fait, donc. Gérard, ça te sert d'aller au restaurant. Voilà, il y a le chien sur l'IRC qui te demande si les coups de lune sont-ils aussi dangereux que les coups de soleil. Non, dans l'âme. Non, mais alors là, je veux dire une chose. Chien, c'est même pas la peine que je réponde à ta question parce que c'est le chien. Le chien, t'as même pas compris. Non, mais ça existe les coups de lune. Pâté de foie. Coups dedans, la lune. Ouais, ben. Non, mais il comprend rien. Ouais, c'est. En fait, avec les coups de soleil, on peut attraper les maladies de la peau. Mmh. Donc moi pour me protéger, au lieu de mettre de la crème solaire, je mets de l'huile à bronzer, comme ça au moins je suis sûre de ne pas attraper de coups de soleil. Donc tu reviens à ce que je te disais, qu'il y avait des crèmes solaires pour éviter d'attraper des coups de soleil. Ça, c'est l'huile solaire. Voilà, mais il y a bien de... Cannabis, zéro. Ok. Mais l'huile... Qui c'est qui vient de s'amuser à dire ça? Mais c'est une vieille chanson. C'est sympa cette chanson. C'est la fête, faites la fête. Ouais, bah franchement. Alors, moi je peux vous dire une chose, que les coups de soleil, il y a certaines crèmes solaires qui servent pour éviter qu'on les attrape. Parce que les écrans total, ça fait bronzer, hein, Gérard. Comment? Les écrans total, ça fait attraper des coups de soleil. L'huile. Ouais, mais t'as certains trucs, comment qu'on appelle? Non, non, c'est des conneries, l'écran total, c'est des conneries, c'est de l'huile qu'il faut mettre pour pas faire des conneries. Non, mais il y a aussi les... Manu, si tu pouvais m'aider, là, tu sais, oui. les gens, là... Où... Ah, sur les sonos, là, je peux t'aider, les sonotones. Les UV. Non, les quoi les... Non, non, pas... Sur l'écran, tu as fait du mauvais boulot. L'autobronzant. Ouais, il y a les trucs où tu te mets dans une machine, là, ouais, et ça te... C'est des sonas, ou sinon, il y a... Un bronzé. Il y a aussi... Il y a des néons aussi, je sais plus comment qu'on a... Les UV. Ah ouais, les UV. Non, mais toi, tu fermes. Toi, je t'ai dit de la fermer, je veux plus m'entendre. Tu fais du boulot de merde. Allez, hop, dégage. Alors, tu t'es peut-être un ton gros, c'est tout. Gérard, c'est pas le dernier débat. Au standard. Alors, sur IRC, il y a Dimitri qui te demande si on peut attraper des coups de soleil sous l'eau. Par exemple, dans sa baignoire. Non. Et pendant une éclipse de lune, demande Turpentine. Putain, mais c'est bidon l'internet, c'est pas les maladies ça. Bah si, on parle des coups de soleil dans sa question. Ils sont moins cons que toi. J'aimerais bien faire un débat un peu potable. T'as déjà foutu ta merde, alors ça suffit comme ça. Franchement, t'as fait des trucs trop inconcevables ce soir. Alors, dernière question, parce qu'il est avec ses crabes. Il est inconvenable. Oh là. C'est horrible. C'est lamentable. Oula. Je sens que tu le gardes, tu vas prendre une. Hein. Mais fais un débat constructif. Alors, l'acné, tu te calmes, toi, parce que avant que tu gères. J'ai amené mon rib. Mais je sens que tout à l'heure, on va finir à 3 que 6. À 3 que 6. Allez, à 3 auditeurs au lieu de 6. Réponse-moi le zob. Attention, parce que je vais pas chercher tout à l'heure. Je vais virer au hasard. Bah non, il est là. Alors, l'acné est-elle une maladie qui L'acné. L'acné. La quenelle. La quenelle. Quelle apostrophe ACNE. Bon, tu me dégages MST, allez hop. Comment tu fais? Non, t'as déconné là-haut. J'ai pas le vaccin. L'acné, L apostrophe ACNE. Dans la queue au bout du nez, on dit. C'est toi, tu viens de dire ça là-bas? Non, j'ai rien dit moi par contre. Alors donc, on va demander à Cubette. Ouais, ben bah moi je pense que c'est pas, je sais pas ce que c'est comme maladie en fait. Non, tu sais pas que t'as jamais eu d'acné? Si, peut-être, mais je connaissais pas. En fait, je savais pas que ça existait. Ben si, ça existe, hein. Ça existe. Et c'est quoi comme truc? Ben, je te dirai tout à l'heure. Soupo. Ouais, ben moi, quand j'étais petit à l'école, on m'appelait coccinelle parce que c'était bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir. D'accord. Et à part bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, t'avais pas autre chose qu'on te disait? Bon, attends, on devait t'appeler le trou noir à l'école avec ton petit truc. Et toi, on t'a jamais appelé tête de con? On met une cliquette dedans, elle disparaît, hein. Oups. Allez, hop, suppos de bonne nuit pour lui. Oh là là là. Moi, je voulais dire que j'avais fait de l'acné, mais ce qui me dérangeait, c'était les méduses. C'est qui vient de répondre? C'est pas moi. C'est un nom de maladie, MST. MST. Ben, MST, je l'avais dit de dégager, fil d'art. Ah, alors, il dégage. Non, mais t'es nul. C'est mal. Gérard, il y a Tom JPSG qui me demande si l'acné sur le sexe existe. Ouais. Il rajoute surtout suite à la sodomie dans les chiottes de la loi. Ah, excuse-moi. Ouais, d'accord. Ben, lui, il peut garder ses réflexions. Cirrhose. Oui, l'acné, c'est quoi? C'est l'acné est une peut-être une maladie. Ouais. Écoute même pas la question. Oh, tu te crasses, Cubette, s'il te plaît, merci. Si de parler tous en même temps, je pourrais répondre. C'est lourd, un peu. Donc l'acné est une maladie, puisque tu peux avoir des boutons partout, sur le corps, donc ça peut être une maladie très contagieuse. D'accord. Soutif? Oui. Donc pour toi? Moi, je travaille dans le milieu hospitalier. Et il nous arrive d'avoir des petits jeunes qui ont de l'acné, effectivement. Mmh. C'est une maladie que l'on soigne très bien, effectivement. Ouais, mais... Grève de peau, des choses comme ça. Ouais, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont voir des médecins qui disent qui veulent se faire soigner contre l'acné, puis qu'en fin de compte, on leur prescrit des médicaments et ils en ont rien à foutre. Voilà, on a un petit secret qu'on dit pas, en fait, parce que bon, on n'a pas envie de perdre notre business, mais la masturbation enlève les boutons. Ah, d'accord. Ben, ça, c'est la première fois que j'en sais rare. Sur Minitel, on nous demande si toi, plus jeune, t'as eu de l'acné, justement. Ah, attends, laisse-moi finir avec pâté de foie. Sur IRC, on me demande combien de temps t'arrives à tenir en acné. Mais ça, je répondrai même pas à cette question. Excuse-moi, Gérard, à la place des messieurs, on accueille Petit Kiste. Non, mais c'est pas la peine. T'es vraiment une pute. Vraiment, une pute confinée, je t'ai dit que c'était plus la peine de prendre d'auditeurs, j'ai arrêté. Attends, il veut faire la conclusion. Éteins-moi ton micro, tu vas aller. Je suis dans le coup. Et à la place de Suppo 2, on a Suppo 3. Non, non, non, c'est pas terminé. Non, mais c'est terminé, là, le débat. Voilà, ils ont fait la conclusion, au moins. Non, vous avez été trop con. Grâce à Fildar, on a perdu près de 200 personnes sur l'IRC. Merci, Fildar. Ils sont revenus, on est presque dans le. Ouais, non, mais grâce à lui, on avait on avait perdu quand même 200 personnes. Oui, mais ils sont revenus et on est presque 2000, Gérard. Donc si tu pouvais continuer le débat calmement pour faire plaisir à ces gens-là. Pas cette fois pour la dernière question. Ouais, moi tout ce que je sais, c'est que l'acné maintenant, on peut la résoudre à l'aide de la chirurgie esthétique. N'importe quoi. Bon, allez, tu me dégages sur ces trois caves. Allez hop. Elle a raison. Allez hop. Mais qui? Non, tu me vires cuvette, suppos 2, et le dernier arrivé. Allez hop. Terminé pour eux. Terminé. J'en ai ras-le-bol. À chaque fois que les nanas parlent, on leur coupe les paroles. Alors maintenant, c'est terminé, tu me les vires. Hop, basta. Ça va aller plus vite, on termine le débat avec trois pistes. Il y a ça sera mieux. Hein, quand même. Non, pareil. Non, petit kiste, il a rien dit, tu vas, c'est bon, quoi. Alors, cuvette, j'en veux plus. Ouais, c'est bon, cuvette, il est viré. Et voilà. Alors, pas cette fois pour toi, donc tu me disais. Pas cette fois, s'il te plaît. J'étais d'accord avec la fille qui parlait juste avant, parce que la chirurgie esthétique, maintenant, on l'emploie pour justement enlever l'acné. D'accord. Alors l'acné au visage, l'acné sur les bras, l'acné sur le bout des seins. Dans le dos, c'est dégueulasse. Dans le dos aussi, ouais. Rigo, comme je vois que oui, il y a question, il y a Davy 1 qui te demande où t'as mis l'acné de chez lui parce qu'il est dehors. Non, mais alors ça, c'est même pas. Donc, Manu, tout à l'heure, tu m'avais posé une question, toi, sur l'acné. Oui, on demandait sur Minitel, je sais plus trop qui, demandait si toi, quand t'étais jeune, t'as eu de l'acné, et si oui, comment tu t'es soigné et pourquoi, dans quel sens? Alors ça, de l'acné, de toute manière, ça s'attrape facilement. Souvent, il y en a qui disent que ça en mange trop de charcuterie. Ça, c'est des dermatologues qui l'ont dit. Et ça, t'as dû bouffer du saucisson quand même. Mais ça, attends, laisse-moi finir. Oh, avec une truie. Oh, ta gueule, toi, petit kiss. Donc, il y a certains dermatologues qui m'ont dit qu'à force de manger trop de charcuterie, on pouvait attraper de l'acné. Maintenant, comment que ça se soigne? Ça se soigne avec des produits style... Pas de marque. Non, mais il y a des savons spéciaux et puis des trucs comme du pousse-mousse-mousse, du mousse-mousse. Du quoi? Pas de marque. Le genre de pousse-pousse, là, pour se laver les mains, mais c'est un produit spécial, donc... Toll réactol. Alors, dernière question pour finir le débat en remerciant Fuldar du bordel qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, qui c'est qui parle là? Petit kiste. Alors, petit kiste, ah ouais, tiens, je l'avais pas vu lui. Tiens, réponds toi. Ah, je suis là, regarde. Bah, réponds. Ouais, l'acné, moi j'en ai jamais eu, mais j'espère que j'en aurai jamais. Non mais, t'en as jamais eu, d'accord, mais si un jour t'en attrapes, tu te demanderas pourquoi. Je te le refile. Ouais, non mais je te demande si c'est une maladie. Bah ouais, c'est une maladie, hein. Bon bah alors. Mais il y a des personnes aussi, c'est tout concentré dans une partie du corps. Je dis le coup, ça va te vexer, donc je le dis pas. Mais même, tu me l'as dit, je le sais, mais moi c'est pas de l'acné que j'ai dans le cou, tu vois. Pourtant, il y a du pute, non, ça c'est pareil. Non, c'est pas du tout, c'est pas... D'ailleurs, Gérard, il y a Seigneur qui demande si on peut se nourrir du pute de l'acné. Là, je vais te dire une chose, le mec, c'est une question de... C'est Seigneur, quand même. Ça donne faim, voilà. Arrête, Gérard, assis-toi. Gérard. Ah ouais, non, mais Gérard, c'est pas de ta faute, c'est un truc. Alors, pour terminer, la dernière question, donc, tout le monde a répondu. Il ne reste plus que Cyrose, Petit Kiste, Soutif et Patétois. Donc, dernière question. Non, suppos, j'ai dit que c'était terminé pour toi. Non, mais deux, il y a trois, il est là. C'est suppos 3. Non, mais attends, parce que... Vous fassiez votre boulot correctement, au premier débat, Manu l'a fait super bien. Toi, c'est de la merde. Écoute, Gérard, on a réussi à envoyer deux suppos. On peut en envoyer un troisième, quand même. Non, mais c'est de la merde parce que t'as repris la même personne qui a dit « Je te fais passer pour suppos 3 ». D'accord? Non. Manu, quand j'ai dit « Vire quelqu'un », il a fait son boulot correctement. C'est faux. Mais non, mais tiens, toi, de toute manière, toi, à part... chercher une voiture caca, c'est tout ce que tu sais faire. Conduire ta merde. GG. Ok, dernière question. Moi, c'est Petit Kiste 2. Ouais, c'est ça, bien sûr. GG, écoute-moi, c'est la famille suppos, on est trois frères, c'est comme les Hanson, sauf que nous, c'est les suppos, c'est tout. Non, c'est bon, allez, arrêtez vos conneries parce que vous commencez à me les gonfler. Allez, Gérard, dernière question. Allez, on y va. Hein. Il est 3h10, donc le dépistage peut-il vous rendre malade? Ouais, moi je pense que ouais. Oui, alors vas-y. Bah, je pense que ça peut te rendre malade, ça s'arrête là. Non mais attends, dans quel sens que ça peut te rendre malade? Allô? Allô Gérard? Non mais Gérard, j'ai coupé par fil là encore à tous les coups. Non, je disais donc que ça peut rendre malade, dans le sens où ça peut rendre malade. D'accord, ben, non, c'est bien. Ouais, c'est petit kyste. Oui. Ouais, bah tu vois bien que le dépistage ça rend malade. Je sais pas si t'as vu quand Schumacher a fait une queue de poisson à Jacques Villeneuve, il a eu la chiasse, Schumacher. Et ta connerie, elle a eu la chiasse? Non, mais tu parles de ça, du dépistage, moi je te réponds. Il a dépisté, voilà. Non, mais attends, le dépistage, tu sais ce que c'est? Bah oui, c'est quand il sort de la piste. Voilà. N'importe quoi. Enfin bref. C'est quoi le dépistage, Gérard? Non, mais je vais laisser tout le monde parler, après ouais, comme ça, tu ne diras pas, bien sûr. Le dépistage, c'est rien. Attends, toi, tu m'éteins le micro et tu t'écrases maintenant. Je ne peux plus t'entendre jusqu'à la fin. Ok? Sur IRC, on me dit ouais. Le dépistage, c'est quand tu coupes tes pistaches en dés. Non plus. Alors, cirrhose. C'est le dépistage, quoi? Bah, le dépistage, peut-il vous rendre malade? Hey, qu'est-ce qu'elle est conne, hein? Ton merde, tu as pétasse, là. T'as compris? Ah, mais pourquoi ils sont méchants avec moi, je comprends. Non, mais attends, celle-là, je vais la calmer parce qu'elle va répondre tout de suite. Soutif ou peut-être pas, maintenant, vous répondez toutes les deux. Oui, Gérard. Alors, vas-y. Oui. Alors, tu réponds? Vas-y, Soutif, je te laisse la parole. Le dépistage, putain, ouais. Regarde Richard Virenc. Bon d'accord, toi... Pas de marque. On l'a dopé à la suite de son plein gré, maintenant il est malade. Donc bah. On le soigne en lui faisant des piqûres. Mais je vois pas du tout le rapport. Je te dis qu'il est malade, donc il a été dépisté gravement même. N'importe quoi, tu comprends. Je crois que je me demande si c'est vraiment une infirmière. Gérard, c'est moi. Ouais. Sur Minitel, on nous demande si chez toi aussi ta pisse, elle tâche. Alors, qui c'est qui pose cette question con? Question con. Sur IRC, c'est la question con, bah c'est un con. Voilà, c'est tout. Est-ce que la pisse tâche? Pareil, c'est pareil sur l'IRC. Pas tête froid pour finir? Non, le dépistage, au contraire, c'est fait justement pour éviter les maladies. Et voilà quoi, point barre. D'accord, bah c'est Gérard, il y a Yankee qui te conseille d'aller faire un dépistage de trisomie. Bon bah lui, il ferait mieux de se taire un petit peu pour dire des conneries. Cirrhose pour finir. Non, le dépistage peut pas être une maladie. Merci. Allez, faites la fête. Gérard, la conclusion aussi. Non, mais vous laissez Cyrus finir, s'il vous plaît, merci. Ouais. Allez, la grosse, là, debout, espèce de feignasse. Alors, petit kiss, tu dégages. Allez, hop. Viens dans le coup. Hein. Allez, hop, dans le coup. Un petit calme, pas dans le cul, parce que je suis poli. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Non, moi, je veux m'appeler. Oh. Alors. Et on a qu'une chaude pisse. Mais vous êtes vraiment des fils de pute, hein. Vous êtes vraiment des fils de pute de faire chier les gens comme ça. Oh là là, moi je suis outré là. Ouais, salut, c'est Blénoragie. Je te raconte, Gégé. Vas-y. Je voulais te dire que le dépistage, ça peut pas être une maladie, vu que le dépistage, c'est fait pour justement déceler les maladies. Voilà. Et donc, je peux vous dire une chose, que le dépistage sert vraiment à quelque chose, surtout pour chez les femmes et pour nous, les hommes, si on veut pas avoir certaines maladies. Surtout, il y a les cancers du sein que je voulais pas aborder, parce que sinon, le débat, j'ai duré au moins jusqu'à 4 heures. Ça, c'est une question que j'ai pas parlé. J'ai pas voulu parler non plus du sida, parce que c'était un problème trop important. Et ça, je ferai un débat dessus avec le cancer du sein, je ne sais pas quand. Je vais voir ça avec le chef. Mais sans fil d'art au standard. Faut vraiment qu'on le travaille, ce débat. C'est le débat. Ça, c'est du permet, parce que là, le débat, hein. Parce que, là, ça pourrait être. Ça peut être joli, mais ça peut être notre dernier. Non, mais attends, on va voir, mais je pense qu'on l'est pas. On le fait, on l'enregistre, on l'envoie à la CLT, à la CIA, on l'envoie à CSA, à tout le monde. Alors, il valide. Qui c'est qui reste là maintenant? Alors on va demander à Cuvette. Hein, il est 3h12, hein, Gérard. Ben, on fait conclusion, hein. Ouais. Donc conclusion, Cuvette. Ouais, bah ton débat, il y a mieux. Parce que, enfin bon, c'était un peu trop compliqué pour moi, je pense. Non, ouais, ben, t'avais qu'à comprendre un peu. T'as qu'à mieux t'exprimer, surtout, en fait. Ouais, non, mais vous avez qu'à vous adresser à Fildar quand vous lui dites. Non, surtout, tu fais mal ton boulot. Et non, mais c'est Fildar qui a foutu sa merde. C'est Fildar qui a foutu sa merde, tu vas être d'accord. Alors tu le remercieras en lui disant au revoir. Supo. Ouais, ben, je voulais dire que j'entends que Max est revenu. On l'appelle le Star System. Toi, Gérard, je pense que t'es le Star Cystite. Le roi des infections urinaires. Alors toi, mon pote, c'est la dernière fois que tu passeras dans mes débats, d'accord? Ok. Petit kyste. Bah alors là, t'as fait fort, Gérard. Moi, je me suis bien marré. Donc il faudrait que tu continues comme ça, sans t'en prendre à ton équipe, quand même. Bah si, parce que c'est grâce à Fildar si ça a merdé. Mais non. C'est cause. La cause, c'est Fildar, parce que maintenant, Rigo, avant que tu termines, on va essayer d'avoir. On demandera le chiffre après. Donc pour toi, alors. Ouais, faut pas que tu t'en prennes à tout le monde. Il faut pas que tu passes ton temps à virer des gens aussi. Tu comprends? Ah ouais, mais dans ces cas-là, quand je vous pose des questions, si vous voulez pas répondre dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on vous sélectionne pour faire les débats. Si vous ne voulez pas répondre. On veut répondre, mais bon, des fois, on répond à côté de la plaque, mais c'est pas pour autant qu'il faut virer des gens. Mais ouais, mais si vous répondez à côté de des questions, ça sert à rien non plus de vous sélectionner pour faire les débats, c'est tout. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Ok, ben moi aussi. Soutif. Oui. Moi, je suis déçue parce que bon, je suis quand même dans le milieu hospitalier, donc j'aurais aimé participer à tout le débat parce que j'avais des choses intéressantes à dire. Mmh. Néanmoins, c'était nul. Et Vif Lidar. Ouais, c'est bien, tu peux retourner le voir alors. Ouais. Voilà, donc pas tête fois pour toi. Ouais, comme d'habitude, tes débats, c'était vraiment de la débilité grave, quoi. Mmh. Et néanmoins, faut pas t'en prendre à Fildar si tu sais pas gérer toi-même ton équipe. Ouais, dans ces cas-là, Fildar, il avait qu'à pas faire le con, parce que c'est grâce à lui si à un moment donné, sur l'IRC, on avait des petits problèmes. Ouais, mais enfin, c'est quand même grâce à lui que t'as des auditeurs, quoi. Ouais, non, mais c'est grâce... quand je lui demande de virer certains auditeurs, c'est pas la peine qu'il essaye de les reprendre après pour leur dire, vous passez sous un autre nom. Ouais, okay. Gérard, si t'es pas capable de gérer, c'est ton problème. De manière, dans l'équipe, il y en a que deux qui font bien leur boulot, et c'est tout. Ouais, les autres. T'as encore raison. De toute façon, ton débat, c'est encore été de la merde. Et puis voilà, quoi. Eh ben, si t'es pas contente, tu as bouffé ton pâté de foie. Ok, salut. Oh, Cirrose pour finir. Cirrose. Je crois que voilà, tu peux arrêter la sonnerie, Phil. Voilà. Attends, pas, je te jure. Donc, conclusion. Ouais, conclusion. Donc, sur l'IRC, on était presque 2000. On est arrivé jusqu'à 1995, jusqu'au moment où tu as insulté un auditeur. Tu l'as traité deux fois de fils de pute et il y a au moins 500 personnes qui sont parties. Et il y a beaucoup de gens qui ont été outrés par ton langage. Et je te lis quelques conclusions. Encore une fois, un débat sans queue ni tête comme Gérard. Le Viagra est au sexe ce que la connerie est à Gérard. Le Viagra fait partie de l'acné et ouais, le dépistage permet d'éviter les coups de soleil. Voilà. Non, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, il y a quand même combien de connectés ? Il y en a eu, on a fait 1995. Ah bah, bravo Gérard, c'est l'exploit, c'est le record. Je crois que c'est un record mondial, hein, même. Bravo. Non, mais toi, tu m'en as fait virer quand même 200, il a eu du mal à les récupérer. Ouais, beaucoup de mal. Okay. Mais il a perdu les numéros aussi. Ouais, mais en plus, quand tu as une personne qui n'a pas fait sa conclusion, tu lui as carrément raccroché au nez. Non, c'est elle qui a coupé. Hein. Non, parce que je vais l'appeler, je vais lui demander. Tu la connais ? Bien sûr. Ah bon, c'est qui ? À ton avis. Ah, c'est Sandy. Voilà. Ouais, bravo. Bravo, c'est qui ? Fais-moi confiance. C'est qui ? C'était Sandy.